pourrait se revoir, je ne ferai plus tant d'erreurs. Je t'apporterai plus de bonheur. Si c'était à refaire, oui, si c'était à refaire, je t'ouvrirais vraiment le cœur. Je redeviendrais ton âme sœur. Mais on nous verra plus ensemble, puisque la vie est si cruelle, si cruelle. Si tu me donnais une autre chance, oh, oui, si tu me donnais une autre chance, je ne retiendrai plus rien. Je m'occuperai de toi sans fin. Si on s'aimait à nouveau, oui, si on s'aimait à nouveau, rien ne serait plus pareil. Deux êtres qui s'émerveillent. Mais on nous verra plus ensemble, puisque la vie est si cruelle, si cruelle. C'était pas quitté, non, non, oui, si on s'était pas quitté, je t'aurais aimé longtemps, peut-être au-delà du temps. Peut-être au-delà du temps.